Eh ben, Merci. non. Eh ben, Vas-y, Fabien. merci. Donc, bonjour Romain. Salut Fabien, bonjour. Donc, c'est Fabien là de Nec. Excuse-moi pour le retard, Non, hein. je t'en Désolé, hein. prie. Ceci. Non, il n'y a pas de souci, mais on s'était croisés il y a quelques années là sur le festival les rendez-vous de Terre-Neuve. J'étais éduqué avec un groupe de personnes handicapées. On était venus être D'accord. bénévoles. Donc, Ah, voilà. d'accord, ok, très bien. Ah oui. Donc, bah là, maintenant, je suis animateur, enfin bénévole dans une émission de radio, une web radio. Ouais. Et l'émission s'appelle Only Rock. Super. Et donc voilà, Ouais. c'est pour ça que je voulais me mettre en contact avec toi pour parler un peu de Stupor Machine, voilà. Eh bah Avec grand écoute, plaisir. eh bah, si t'es prêt, on y va quoi. On est parti. Eh bah ça marche. Donc bonjour Romain, je suis avec Romain du groupe Eiffel. Déjà pour Bonjour. commencer, bonjour, ouais, j'aimerais savoir déjà comment ça va après la sortie de l'album. Ça fait 3 semaines maintenant que Stupor Machine est sorti. Et puis la tournée a commencé début mai sous des bons auspices en Belgique. Donc bah, comment va Eiffel et comment tu vas Romain? Eiffel va très bien, moi de même. Effectivement, on a sorti l'album il y a 3 semaines et c'est marrant parce que en fait, on a bon, sortir un album comme tu t'en doutes, ça prend pas mal d'énergie tant temporelle que dans la tronche en fait, parce que tu es toujours bourré de doutes et bourré d'incertitudes sur comment, quand, quoi, etc. Le propos, la narration, toutes ces J'imagine. choses-là et puis aussi le fait qu'on ait commencé, donc, comme tu disais, à tourner il y a très peu de temps, il y a 15 jours, en Belgique. On avait juste que 3 dates, mais en Belgique. On voulait vraiment jouer, commencer par la Belgique. Et le Ouais. fait de faire 3 dates et puis plus rien pendant 10 jours, c'était pas volontaire, mais c'est tombé comme ça. Il s'avère que Stel et moi, un ami nous a fait un cadeau il y a longtemps, il y a 2 ans, d'un voyage à New York. Et il était calé là. Donc, on revient de New York, Stel et moi. En Oh fait, il y a basse. une sorte de décalage temporel, fabuleux. On n'a vraiment pas de quoi se plaindre, c'est fabuleux. Puis c'était un rêve, donc c'était génial. Bah tant mieux, ouais, c'est bien. Mais on est. Oui, c'est peut-être pas mal parce que ça démystifie un petit peu la sortie, enfin pour moi, là, pour le coup, c'est plutôt pour Estelle et moi. Et Ouais. du coup, là, on est revenu avant-hier. Et depuis avant-hier, on a fait un showcase. Fait déjà 4 interviews, enfin on est voilà complètement dedans dans les salles, hein, mais c'est peut-être pas avec le même regard sur, alors je saurais pas dire lequel, mais Avec un peu de c'est recul, peut-être pas avec peut-être? le même regard, voilà, ouais c'est ça. Donc voilà, on en est là, enfin en tout cas Serre et moi et les deux Nico, comme on s'est vu avant-hier pour jouer, bah tout va très bien, on est très motivés surtout pour partir en tournée. Ça a coupé. Oui. Allô? Oui, Romain, ouais, ça a Oui? coupé, ouais. Mais c'est bon, on a retrouvé. Tu m'entends? C'est Ah. bon. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été entendu? Bah, là où vous étiez retrouvés il y a quelques jours avec les deux Nico et puis Estelle pour jouer. Voilà, on Voilà. s'est retrouvés pour le showcase à la Fnac de Bordeaux. Ah. Par manger, pardon, on a la chance d'avoir quand même quelques concerts. Allô? Oui, je suis là, ouais. Il y a Ça a quelques. coupé. Ouais, ça a un petit peu coupé, ouais. Bah, je ferai un Ah ouais, toi montage. aussi tu coupes en fait. Bon, d'accord, Bon, je ok. ferai un Tu montage. veux qu'on essaie de se rappeler encore ou Non, bah c'est bon, on va Ouais, s'arranger. Je vais c'est grave. m'arranger. Bon, tu me dis en tout cas. Ouais. Donc, comme tu disais, tu Voilà. revenais de New York. Voilà, ça fait un peu prendre un autre regard peut-être sur la sortie de l'album. Mais maintenant, Eiffel revient après 6 ans depuis la fin de la dernière tournée, de la précédente. Hein, mais depuis 6 ans, vous n'êtes pas resté sans rien faire, parce que toi, entre autres, tu as sorti ton album solo Mousquetaire. Puis il y a eu des participations, des productions, mais en gros, c'est une bulle d'air, cette pause-là de 6 ans pour chacun des membres. Non, c'est pas une bulle d'air, c'est maintenant en fait c'est on pourrait le voir comme ça, c'est-à-dire si on considère que Estelle est le projet principal, ce sont des bulles d'air, mais ce n'est plus le cas. Pour personne. C'est-à-dire, et ça, c'est très important, vraiment, pour preuve, on est là. Donc c'est bien qu'il y ait des raisons de importantes d'être là. Ouais. Mais Eiffel est un projet très important à côté d'autres projets tout aussi importants. Pour chacun, hein, je ne parle pas que moi. Alors effectivement, moi j'ai sorti 3 albums solo. J'ai sorti Oui. Vendredi aux Lames du Pacifique, l'adaptation de Michel Tournier, Mousquetaire 1, Mousquetaire 2. Donc il s'agit quand même déjà de je ne sais plus combien, 50, 60 chansons. J'ai écrit, t'es produit, t'es tourné. 3 albums de Bernard Lavilliers, avec des chansons que j'ai écrites aussi. J'ai produit, t'es arrangé et tout ça. Donc en 5 ans, 6 ans, c'était pas du tout une bulle d'air. Enfin, si, c'était une bulle d'air artistique, ce soit moi de créer, c'est une bulle d'air. Voilà, que ce soit dans Eiffel, que ce soit dans par exemple mon projet solo ou que ce soit pour d'autres, c'est une bulle d'air. Nicolas Courrel, batteur, et Nicolas Bonnière, guitariste en projet qui s'appelle Invaders, ou Ouais. Ciné-Concert aussi. Nicolas Courrel a beaucoup joué avec Laetitia Sherif. Pour mon projet solo, j'avais convié quand même Estelle et Nicolas Bonnière à jouer avec moi, mais Estelle était au clavier, Ouais. non pas à la basse. Puis jouer avec deux autres gens qui s'appelaient Guillaume Marceau et Gauthier Loche, avec qui je vais jouer plus tard aussi pour un solo, parce que je vais continuer. Le solo pour moi, je m'en fous, et celle aussi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec des gens et de pouvoir sortir des chansons chaque année. Et tu peux pas le faire avec un même groupe, c'est pas possible, et puis c'est pas intéressant. Ouais. Je pense pas que ce soit. C'est ça, je pense, avec Eiffel, c'est pour ça qu'on est vraiment pas un groupe de rock. Le groupe de rock en général, ça se dit à 20 ans, c'est pour toujours, et puis en fait, à 35 ans, ça se pite. Et nous, c'est plus. On est bien ensemble. On a envie de jouer ensemble, mais pas que avec les mêmes tout le temps, donc faire aussi d'autres trucs. On est plus musiciens, en tant que on est assez fan de Bowie, Damon Albarn, de Frank Black, ces gens qui ont des projets, plusieurs, voilà. Voilà, qui mélange, qui aime bien aller vers d'autres horizons aussi, oui. Oui, et puis carrément, pour chacun des membres du groupe d'Eiffel, c'est ça. Et puis alors, pour moi, j'ai un petit peu particulier, c'est que j'écris beaucoup de chansons qu'elles portent le même nom. De groupe ou d'artiste, c'est l'enfer. Ça veut dire sortir tous les 1 an. Je dirais, mais non, mais c'est mort, quoi. Je veux dire, tu vas fatiguer les gens, etc. Mais moi, je veux dire, c'est mon métier, quoi, d'écrire des chansons. Donc voilà, Oui. c'est pas un calcul, c'est arrivé comme ça. Je pense même que demain, je vais peut-être monter un autre groupe. En plus, voilà, je vois plutôt vraiment comme ça. Soit que je suis fan de Damon Albarn, qui a The Good Band, The Queen, Blur, Gorillaz, Ben. Rocket Juice for the Moon, qui fait des albums aussi sous son nom, qui fait des pièces de théâtre. Enfin voilà, Ouais, c'est la vie, c'est quoi. au fil des C'est la musique. rencontres, des envies. Alors, Bien sûr. du coup, qu'est-ce qui, toi, te donne envie à un moment donné de te remettre à l'écriture, de te remettre en fait au Oui. service un peu d'Eiffel, de repartager un peu des Bien sûr. morceaux? Alors, pardon, je dis bien sûr, mais je veux dire, c'est une bonne question, ça je voulais dire. C'est-à-dire que pour le coup, et peut-être que c'est la fois la plus concentrée là-dessus, c'est pour le machine, c'est peut-être la fois où j'ai écrit le plus pour Eiffel. Jusqu'alors, je disais souvent en interview, vous savez, j'écris pas pour Eiffel, j'écris pas pour moi, j'écris, c'est tout. Et Ouais. puis, il s'avère qu'il y a Eiffel, donc bon, on joue avec Eiffel, quoi. Il y avait un côté un peu. J'enlève le côté amitié qu'il y a entre les membres d'Eiffel, où on est super bien ensemble. Ouais. Ça c'est évident, mais bien sûr, oui, autrement on n'en parle pas. Là, je parle juste de l'aspect fonctionnel de l'écriture, quoi. Les autres n'écriront pas. Et je me dis, cette fois-ci, vu que j'étais en train de sortir 3 albums solo, je posais pour la vie, on en sortir, etc. Et je me suis dit, là, vraiment, si on fait un Eiffel, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Sinon, c'est pas la peine, on revient pas. Il n'y a pas de problème, on revient pas si c'est pas légitime. Et m'est venu, en fait, c'est venu d'une chanson que j'écrivais en solo, qui s'appelait Knife and Cheesecake, sur mon album Mousquetaire 2, qui est Ouais. assez violente, mais beaucoup plus violente, finalement, que les choses qu'il y a dans les films. Et puis, vous savez, j'en étais 3-4 dans ma vie, des chansons comme ça, un peu à fleuve, un peu poupée russe. Il y a Bigger Than Biggest, il y a une partie de Hype, il y a donc cette histoire de Knife and Cheesecake. Il y a aussi Chansons Trouées, voilà, des chansons un petit peu fleuve. Et elle a donné naissance, en écrivant cette chanson, ça a donné naissance à Miragine. Donc une chanson pour Eiffel. Et Ouais. puis une autre un peu cascade, et puis un bout d'Hôtel Born. Et finalement, je suis arrivé, je me suis dit, il y a une raison, c'est-à-dire ce pessimisme un peu évoqué dans My Punch Cheesecake, je vais l'évoquer plein pot pour Eiffel, avec Eiffel, parce que c'est ce que je ressens actuellement. Et j'en ai beaucoup parlé avec les deux Nico, Nicolas Bonnière, Nicolas Courrée, Stalumeau, en me disant, mais ça vous dérange pas? Est-ce que presque quelque chose de limite catastrophiste. Et non, parce que bon voilà, on est. Ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'Eiffel, on a commencé, on en a 48. Tout va bien, on a la patate, on a la frite, enfin on n'a pas de problème sur l'histoire de l'âge. Au contraire, c'est. Moi j'attendais ce moment-là, afin de se bonifier, Ouais, c'est comme le bon de vin, quoi. s'épaissir, de savoir. Tout dépend comment on le voit. On est dans une société du spectacle, donc Ouais. bourré d'entertainers. On n'est pas les entertainers, on est des artistes. Donc, Après, faut rester dans fidèle à ce qu'on est, à ce qu'on a envie de faire, quoi. Pardon? Faut rester fidèle un peu à ce qu'on est et à ce qu'on a envie de faire aussi. Déjà, et puis inévitablement, et accepter le fait de changer, c'est-à-dire de vieillir dans le bon sens du terme, Oui. de s'épaissir, d'avoir plus lu, d'avoir plus fait l'amour, d'avoir plus rencontré de gens, d'avoir plus vu, écouté. Et donc, si tout le fait de prendre en âge ne te dérange pas, moi, ce qui me dérange en aucun cas, enfin, on va dire pour l'instant, après on verra, Ouais. mais je trouve que c'est comme si ma besace était plus remplie, quoi. Enfin voilà, donc merde, j'ai plus de choses à dire. Enfin, pas plus de choses à dire, mais en tout cas, je peux peut-être mieux les dire, ces choses-là. Ouais. Donc, et ben, dans ce contexte-là, du coup, ça devient un plus. Alors, on est dans une société, je disais, du spectacle ou de jeunistes, c'est-à-dire, c'est une société qui est tenue par des gens de notre âge un peu plus vieux, 50, 60 ans. Ouais. C'est la maladie du vieux, le jeunisme. C'est-à-dire, le mec commence à se dégarnir en les cheveux blancs et il flippe et il dit, bon, allez, faut quand même être cool, on va passer de la musique urbaine et on va dire que c'est cool. On est, mais bien sûr que c'est cool, la musique urbaine. Moi, j'adore le rap. J'ai écouté, pour moi, c'est de la vieille musique, comme le rap, quoi, le Wu-Tang Clan, tout ça, j'adorais. Après, quand on passe du rap à l'eau sur France Inter, là, je suis mort de rire. Voilà, c'est juste ça. Il y a deux sujets. Il y a l'entertainment et l'art. C'est deux sujets différents, et nous, on est, avec le petit A, mais on est des artistes et des artisans. Et du coup, ben, ce truc-là, on le fait valoir dans notre manière, avant tout dans ce qu'on fait, parce que c'est ça qui est important, mais aussi dans un peu ce qu'on dit, hein, dans notre attitude. Il y a une forme, on nous picote souvent sur les engagements. Peut-être qu'on est engagé là-dessus, quoi. Bon, mais voilà, moi, je suis censé vivre de l'industrie du disque, et j'en vis plus du tout. Ouais. Et la manière dont elle fonctionne m'emmerde. Voilà, donc de dire ça, c'est peut-être être engagé. Ouais. Elle m'emmerde. Je sais bien pourquoi. Parce que là, de dire m'emmerde, ça, c'est pas très constructif. Mais je ne veux pas, dans une interview, vous raconter ce qui nous turlupine. Il y a Oui. quand même deux, trois gros. Ça, c'est le premier truc. Le vol pour les artistes, pas pour les maisons de disques. Par exemple, les web radios indé comme la tienne, et Ouais. ben les maisons de disques ont dealé un truc pour les droits d'auteur qui font qu'elles touchent un tout petit peu. Si tu passes une chanson à nous, elles vont toucher un tout petit peu que dalle. Et nous, rien du tout, mais rien du tout là pour le coup, c'est zéro. Mais d'habitude, on a 0,00000001 cents. Ce qui fait qu'on vient d'apprendre qu'en 2 semaines, on a été écouté 220 000 fois, ce qui n'est pas génial, mais qui est pas mal quand même. Oui. Et on nous a acheté 2 000 CD. Et ben les 220 000 streaming, on ne voit rien du tout. On va toucher 4 euros divisé par 4. Voilà. Ah oui, non, Et les c'est... 2 000 CD, ça génère ben 2 000 euros. Donc, et comme on a une avance de 20 000, pas chacun, mais pour 4, donc 5 000 Non. euros, donc de quoi vivre pour 2, 3 mois, et ben on la remboursera jamais. Donc, on est mort. Donc, il faut faire un autre métier. Et quand on parle comme ça aux gens, les gens disent, ah bon, moi, je croyais que tu vivais dans un château, je croyais que tu avais un 4x4. Ben non. Bah ouais, Ben non, c'est pas du tout. l'imaginaire, ça, c'est le fantasme. Ah non, c'est complètement. En plus, je suis pour moi le premier qui suis pour la limitation des droits d'auteur, la limitation des droits d'artiste, la limitation des coûts de cachet des groupes super connus dans les festivals qui, Ouais. eux, prennent 350 000 euros, alors que nous, FS, qui est un groupe un petit peu connu, avons du mal à nous faire payer 2 500, 3 000. Je dis, on croit rêver, on est dans un monde de dingue, vers le capitalisme. C'est clair, ouais. Et je vois que ben, ce monde-là, je l'emmerde un peu, quoi. Voilà, c'est tout simple. Et pourquoi? J'ai 48 ans, qu'on m'emmerde pas, quoi. Je suis plus le petit prince, je suis Al Pacino, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Voilà. si on vient à l'album, là, le sixième album de Eiffel, Support Machine, moi j'ai l'impression qu'il surfe un peu quand même, et ça rejoint un peu ce que tu évoquais, mais ça sort un peu sur la science-fiction, sur un avenir qui serait peut-être pourri par l'être humain, et ou sur lequel un avenir où on n'aurait plus forcément d'être humain sur Terre, quoi. Alors, il est question en filigrane de ça, ce qui m'effraie et ce à quoi je ne veux pas croire, mais dans l'album, je fais un peu comme si j'y croyais. Voilà, c'est de la science-fiction, c'est de la fable. Et c'est pour provoquer, c'est pour faire venir les voix, c'est pour Oui. qu'on se fait rassurer, pour qu'on nous dise hey, les mecs, vous déconnez pas un peu trop. Mais en fait, ce qui est flippant, c'est que personne ne nous dit vous déconnez. Enfin, là, on a joué, bon, ben, c'est des petites salles, mais tu vois, tu devant 400 sold out et tout, en Belgique, il n'y a personne qui te dit vous êtes taré. Ah, Il parce y a que beaucoup de gens qui pensent comme nous. oui. Et ouais, et puis je vois pas comment on peut trop. Oui, on sait que ça va mal pour l'écologie, donc on sait que ça va mal pour l'idée de la redistribution du capital. Moi, j'ai rien contre le capital, j'ai un problème avec le capitalisme, mais pas le capital. Je suis vachement pour l'idée que nous mettions chacun ce que l'on peut pour le bien commun, mais par contre, qu'il soit bien redistribué. Il y a 10 ans, je sentais que ces 300 familles qui sont sur la rue ont pignon, dans à tout moment la rue, ils sont obligés maintenant en live de changer avec que ces 26 familles qui sont sur la rue ont pignon. Elles sont 26 maintenant, les familles qui partagent la moitié des richesses du monde. Eh ouais, Donc, c'est un triste constat. entre la mauvaise redistribution du capital et d'un côté et les planètes, le fait que nous mangeons du mercure, du bisphénol A, que Monsanto gagne le tour à la fin, même si on nous fait croire qu'il est en train d'être inquiété un petit peu. Son truc avec Bayer, le fait de créer le poison et de créer l'antidote, c'est-à-dire il crée le pesticide et il crée les médocs. Oui, c'est une fable un peu ça. Hein. Bah, c'est complètement taré, quoi. Ben C'est oui. complètement taré. Et on dit, ah ben ouais, bon, on peut rien faire, mais bon, dans un moment. Alors moi, déjà, je ne suis pas violent. Je suis vraiment tout sauf violent. Mais quand je cite Bakounine dans Miragine, Bakounine, c'est un anarchiste, et qui disait, pareil, il était non violent, mais il disait, il faut faire une révolution pardon, des esprits, pas des corps, faut pas tuer. Mais pour commencer la révolution des esprits, s'il faut étêter un petit peu, bon, alors c'est trash, mais je veux dire, si les mecs continuent, on va pas se faire des Trump toute la journée. On va pas se faire des Monsanto toute la journée, on va pas se faire des Dassault, Balkany, Bolloré toute la journée. Au bout d'un moment, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça va mal péter, il vaut mieux que ça pète avant. Voilà. Ben ouais. Et c'est un petit peu ce qui est dit dans l'album, et avec une inquiétude énorme pour la génération à venir, les générations d'avenir. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai une fille de 23 ans qui n'est pas du tout là-dedans, qui se soucie pas encore de ça, comme moi, je ne me souciais pas à 23 ans. Vous m'écoutez? C'est normal. Et Mais alors. enfin, quand même, la génération de. C'est pas vrai, elle s'en soucie un peu quand même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une. C'est pas cool, putain, c'est la première fois dans notre vie qu'on nous dit, ben, vous savez, la vie, bon, on sait que la vie c'est court déjà, mais l'idée de la vie de l'espèce humaine est très, très. Elle peut être mise en cause aujourd'hui. Hein. C'est nouveau. Pardon? Je dis, l'idée de la vie aujourd'hui, on peut commencer à l'entrevoir, qu'elle soit remise en cause à un moment donné, dans un avenir lointain évidemment, mais on peut entrevoir la fin de l'espèce humaine à un moment donné, si on continue comme ça à vivre comme ça. C'est évident, et en fait, pour pas, parce qu'il y a des gens qui me disent vous êtes taré, mais dans ce cas-là, je dis, mais c'est pas moi qui le dis. Il y a des chercheurs, des scientifiques, il y a des calculs. Les gens adorent les sondages maintenant, adorent les adresses IP, le fichage et tout. Ben, les études faites prouvent que c'est même plus pour dans son temps. Eh oui, c'est ça. Donc, je sais pas exactement, là c'est compliqué, puis je crois que c'est compliqué pour tout le monde d'imaginer ça. Après, le seul truc que je vois de bénéfique là-dedans, mais c'est horrible ce que je veux dire, c'est que si la disparition de l'espèce humaine permet aux tigres du Bengale, aux dinosaures, Aux je espèces sais pas animales, quoi, oui, aux pierres marteaux, aux espèces animales, à la huppette, aux moineaux, aux rouges-gorges, aux merles, et je sais pas moi, à la mantarraie, de continuer à vivre, c'est peut-être le seul truc positif que je vois là-dedans. Et c'est con, on aurait peut-être pu vivre avec eux. Ce que je ne comprends pas, et c'est ce qui est dit aussi dans la chanson d'Eran à Crème, parce que je m'adresse justement aux animaux, donc il y a un truc un petit peu animiste comme ça, c'est-à-dire, je me demande pourquoi l'être humain est parti dans cette direction. Je suis l'être humain, je me crée un dieu, rien que pour moi. Le vivant, c'est la montagne, je suis désolé, le minéral contient du vivant. Et le Oui. végétal, c'est l'animal, donc c'est pareil, quand on dit qu'on est végétarien parce qu'on ne veut pas tuer le vivant, je suis désolé, quand on bouffe une carotte, on tue du vivant. Donc, j'ai rien contre les véganes et les végétariens. Oui, bien sûr, oui. Mais alors, du coup, ce serait quoi Mais là, le vivant. ce serait quoi la support machine, ce serait quoi? Donc, ce serait Alors, la Support Machine, c'est pour nous déjà, c'est une vieille chanson d'Eiffel qui s'appelait comme ça et qui venait d'une vieille chanson avant de signer que j'avais écrite en 1998 après avoir lu un bouquin qui s'appelait Descartes et le cannabis. C'est-à-dire on apprenait, c'était paru chez Actes Sud, on apprenait que Descartes en fait était pas mal allé à Amsterdam, Descartes qui disait je pense donc je suis Oui. un savant quoi, et il fumait des pétards, et il disait l'inspiration passe par les narines. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Et donc du coup je me suis intéressé au mot stupor qui pour moi c'était ouais un peu dans le gaz. Et non, la stupeur c'est vraiment lié à l'effroi. Et on voulait vraiment avoir la stupor machine, c'était Allô? Allô, allô? Au départ, on voulait l'appeler Vertigo, l'album, et puis c'était pris par le groupe des enfants de Catherine Ringer, Ouais. Minuit, et du coup, on a changé, parce que vraiment, c'était Vertigo au départ, et puis on a trouvé cette vieille chanson, en effet, qui s'appelait Paul Machine, qui disait la même chose, voire mieux, donc on était, je sais pas, ben, comblés de la machine à effroi. Oui, on a bien conscience, voilà ce que je te disais, c'est qu'on a bien conscience que. Il y a sur 13 chansons, il y en a 10 qui ne sont pas très optimistes. Et donc, c'est aussi un peu d'humour de notre part de dire, ben voilà, ce nouvel album, c'est quand même un peu une spirale descendante, on va dire. Voilà. Ouais, et pourtant, on trouve quand même dans cet album qui est plutôt bien fait, bien écrit, on trouve aussi des pépites. Là, je pense à Chasse-Pline, dans le sens où c'est une chanson qui, bah, à contrario des 10 autres dont tu évoquais, qui parle d'amour. Un peu comme Chocho également, qui Oui. est. Ouais. Oui, puis même rien à craindre, non, il y a des choses même très tendres, qui sont pas du tout, tu sais, on n'est pas un groupe de rock, souvent j'ai tendance à dire, et non, non, j'ai envie d'être tendre aussi, on a envie d'être tendre, comme pouvait l'être Jacques Higelin ou Jacques Brel, et donc ça peut s'adresser sur une chanson d'amour universel, d'amour intime, Chocho veut dire en espagnol chatte, minou, vagin. Voilà, Ouais. donc c'est une. Il n'y avait rien de grivois ou de vulgaire, j'avais pas du tout envie de ça. Ça ne me rentre pas à la vulgarité hein, parfois, mais là, vraiment, je ne voulais pas du tout. C'est un peu un hommage à l'origine du monde, enfin, moi je le vois comme ça, quoi, je le courbais. Et sur une musique qui fait très très référence aux Pixies, et je trouvais ça chouette quoi, d'aller dans ce sens-là. Mais rien à craindre, une chanson un peu flippante, mais elle contient des passages très tendres. Ils peuvent s'adresser aux amis, même à la famille. Il y a papa, maman, frère, sœur, des choses vraiment qu'ils ne disent pas dans le rock'n'roll parce que ça fait cœur tendre. Ben non, moi j'aime bien justement dire ça. Voilà. Et puis ben, l'amour parce que finalement c'est ce qu'on veut faire transparaître avant tout. Ouais. On n'a rien inventé et on veut rien inventer. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Ouais, c'est tellement génial d'être chouette, d'être bien avec ses amis, d'être capable d'aimer les autres, d'être un peu aimé aussi, c'est pas mal. Et faire des choses ensemble, des choses simples, en fait, des croissances là-dedans, ça peut être pas mal. T'es pas obligé de construire l'Empire State Building, quoi, pour être bien. Et t'es pas obligé de diriger 15 grains, quoi, en sombrant. Je suis super bien, mettre au plat avec de l'ail et avoir lu un bon bouquin dont tu parles avec tes potes ou dont ils te parlent ou regarder un film avec les gens ou jouer au foot ou jouer. Enfin, pas trop au foot d'ailleurs, hein. Plutôt au rugby. Oui. Non, je suis pas très foot, moi. Et voilà. Bon, enfin, c'est vraiment des choses, tout le monde va me dire, mais ouais, mais Romain, mais quoi, mais après, quoi, il faut que tu puisses t'acheter une piscine, et puis t'achètes un sac de Pluton, et une Rolex, ben non. Non, non, ça va, je m'arrête là avant, je m'arrête avant, ça va, tout va bien. Être bien avec mes potes, et avec ma nana, et avec ma fille. Et puis on trouve aussi, alors moi, c'est vrai que parfois on peut entendre ou lire dans les articles que vous êtes un groupe engagé. Moi, je dirais plutôt que vous êtes un groupe qui appuie parfois là où ça fait mal ou qui nous rappelle parfois des choses. Bah, je pense notamment au titre Gravelines, qui rappelle quand même, comme s'il était utile de le rappeler, mais les dangers du nucléaire, quoi. C'est exactement ça le sujet de Graveline et c'est la première fois que je fais ça comme ça et je suis assez content de moi parce que j'ai pas besoin du tout de montrer du doigt ou de c'est ça c'est ce que en fait c'est ce que m'ont appris des gens il y a tellement longtemps que j'ai eu du mal à comprendre que je suis un con. Mais effectivement, Vermeer, Bruegel, Van Eyck, Botticelli et Albens nous ont appris ça. Il n'y a pas besoin de dire les choses, il faut les signifier. Et c'est le cas de Gravelines. Et je signifie le fait qu'il y a deux amoureux qui donnent un dernier baiser tout en haut d'une cheminée délabrée de centrale nucléaire, après que tout est explosé et qu'il y ait des renards, quelques renards bleus, des corbeaux rouges, enfin des oiseaux mutants, des animaux mutants, pardon, puis des corps crevés qui volent comme ça. Donc la description est pas belle et en même temps est presque un peu belle, enfin enchanteresse. Et en fait, tout le monde est mort, juste c'est ça. Mais je ne dis rien de plus, je dis pas, je m'inquiète, je dis il y a des salauds, je dis le nucléaire, fais gaffe au lobby du nucléaire, etc. Non, je dis pas ça. Je dis juste, tout est mort. Et regardez, il y a deux amoureux qui se donnent un dernier baiser. Il suffit de faire ça. Et là, c'est ça que je veux faire, moi. Je me le dis à moi-même quand je dis ça. C'est vers là que je veux aller encore plus. Parce que montrer du doigt, donner des conseils, j'en suis bien capable. J'ai peur que des fois, on ait pu donner l'impression qu'on le faisait alors que jamais on a voulu le faire. Oui, C'est pour non, ça qu'on ça. a dit est un groupe engagé, comme d'autres groupes l'ont peut-être été, mais moi, ça m'a jamais touché, ça. Non, non. Moi, c'est l'engagement de John Lennon qui me plaît. C'est Working Class Hero qui me plaît. C'est pas le reste. Enfin, moi, je ne citerai pas de nom, mais. Et du coup, je trouve que Catherine, quelque part, le chanteur Catherine, Philippe Catherine, est un chanteur très engagé dans sa manière d'évoquer certains problèmes. Et voilà quoi. C'est cette manière-là, moi, que je préfère. Ouais. Je trouve plus fine, plus adroite, moins en phase Moins et direct, peut-être oui, plus c'est vrai. constructive quand même. Donc, Pardon? moi je dirais moins brutal, moins direct, mais le message passe tout autant, quoi. Il passe peut-être même Oui, plus. oui. Ça permet de réfléchir, Ben, quoi. c'est-à-dire que. Ouais. Voilà, puis s'il y a brutalité, alors des fois, on peut être brutal musicalement, moi je trouve ça important. Oui. Ben, la musique permet un panel d'émotions dont on n'a pas à se priver. Je comprends pas les gens qui font qu'un album de trucs cool tout le temps. Bon, et je sais que j'en écoute en plus, j'adore ça. Mais je veux dire, je ne comprends pas. Moi, je suis fichu comme ça de telle manière que j'ai envie de Graveline et après j'ai envie de Montreal Candidate. C'est comme j'ai envie d'écouter Julia, des Beatles, je suis tout le temps les Beatles, c'est facile, et après Helter Skelter. Voilà. C'est la terre de contraste. Et c'est ce dont j'ai envie, moi, dans ma vie, parce que donc, c'est ce que je vis. Quand je suis chez moi, je peux avoir écouté juste j'en sais rien, Paolo Conte. Je sors de chez moi, et puis pouf, j'entends des hélicoptères, et puis d'un coup, il y a un gamin qui passe avec de la dubstep, ça burne, mais ben, c'est ça la vie. Mais Et oui. j'ai envie d'être dans la vie, moi. Donc voilà, donc ça m'intéresse d'utiliser les. Mais par contre, dans le langage, la brutalité ne doit pas venir. En fait, je pense qu'il est brutal, c'est la vraie brutalité que j'aime. Je peux aimer une forme de brutalité dans le texte, c'est la position de deux émotions antagonistes Ouais. en l'espace d'une seconde. Ça, je trouve ça brutal. Je sais pas comment dire. Mon pote Philippe Mansky, avec une chanson, il disait les bourgeois se puent du cul, mais elles se le parfument. Ça, je trouve ça assez agressif et corrosif. Et j'aime bien ce que ça peut dire derrière. C'est tout simple, mais voilà. Mais le fait, en tout cas, d'évoquer un chant de Bouton d'Or et juste à côté d'évoquer Auschwitz, c'est important. C'est clair, il faut le rappeler. Et moi, je pense là donc à l'album Super Machine et au dernier titre, c'est Terminus, alors qu'il commence par un piano-voix qui met bien en valeur ta voix un peu éraillée. Et c'est vraiment, et ça monte en intensité progressivement dans la deuxième partie. Et ce titre, il me laisse pas indifférent, vraiment. Il est très beau, je trouve, comme titre. Ah, merci, ça me fait plaisir. Et forcément, il pouvait pas être unique, il pouvait pas être ailleurs que à la fin de l'album. Non, il ne peut pas être ailleurs qu'à la fin de l'album parce que déjà je l'ai écrit autour du titre. C'est-à-dire, j'ai chanté cette mélodie en yaourt et je me suis dit, ça s'appellera Terminus, ce sera la dernière chanson du disque et elle durera longtemps dans la fin comme Hey Jude, des Beatles. Le mec, il fait que les Beatles, tu sais. Ah, mais faut avoir des références, faut avoir des bonnes références. Voilà, non, non, mais là c'est tombé comme ça, désolé pour Non, l'interview. t'inquiète. Et après j'avais une petite idée derrière la tête et j'avais entendu une chanson de Tom Waits qui s'appelle Take One Last Look, The World That You're Living. Ouais. Et donc, jette un dernier œil sur le monde dans lequel tu vis. Et on n'est pas loin de ce que je raconte quand même dans le. Regarde un peu le monde, ton cœur bat, tu vois, c'est un peu la même chose. Et je voulais vraiment. J'ai pas peur vraiment du tout de m'inspirer, moi, des autres. Alors, tu vois, je viens de citer Tom Waits, enfin. Oui. Et alors, moi, par contre, j'ai parti du principe de faire une description très très simple sur les deux premiers couplets de choses les plus bêtes, tu vois, enfin, de. Un arbre, un copain qui joue du violon. Les abeilles qui font leur petit buzz. Oui, mais c'est ça justement qui est beau aussi. Et j'aime ça, j'adore ça en fait, de t'émouvoir. En fait, je me suis rendu compte d'un truc en écrivant cette chanson, c'est que tu pouvais raconter une saladière. Bon, si tu la racontais avec les bonnes harmonies, la bonne mélodie, la saladière devenait un petit poème, ça pouvait être aussi du Dali. Et j'ai plus désormais envie d'aller vers ça et moins vers quelque chose de. Contiendrait de la brutalité pour le coup. Voilà, parce que j'en ai marre de. Ça fait chaud, enfin, je ne vais pas faire de la causette, mais de s'immerger autant dans les textes qui ont aussi peur, autant peur. Ça fait souffrir en fait. Oui. Il y a un moment, c'est intenable, ça prend du temps de faire les textes. Hein. Le premier jet, tu es 5 minutes, et puis après, le travail, le façonnage du texte peut prendre 3 semaines, un mois. Donc, bon, quand il y en a 13, tu as compris, ça prend un an. Et t'es dans un an, pendant un an, tu es quand même dans cette. T'es immergé, quoi. Ben, t'es immergé. De toute façon, on est immergé dans les problèmes qu'on écoute de la musique, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas. On est immergé dans ces problèmes, mais l'être humain, il fait de telle manière qu'il oublie. C'est quand même un peu un poisson rouge, l'être humain. Donc, il a beau être au milieu des catastrophes. Il arrive à survivre, hein. Il arrive à dire ah, je suis bonne idée, je regarde un match de foot, il me dit tout. Mais là, on peut dans ces chansons, putain, t'oublies jamais, donc je peux pas faire ça toute ma vie. Mais je suis très content d'avoir fait ta lave un peu, hein. Je suis pas une machine, il y a un petit peu une catharsis, quoi. Ouais. Et donc voilà. Donc mes terminus, c'est très important, hein, pas important pour nous en tout cas. Alors par contre, tu vois ce que tu viens de me dire sur cette chanson-là? Je suis très étonné parce que beaucoup de gens nous le disent en fait. Je pensais qu'elle allait passer un peu inaperçue parce qu'elle n'avait pas le format, couplet, refrain, nanani. Et en fait, pas du tout, les gens s'en foutent. Ça leur plaît, quoi. Comme c'est la chanson Hôtel Borne, voilà, des chansons qui sont un peu difficiles en gros. Oui, mais Et c'est ben, qu'il ça leur provo plaît. elle provoque des émotions, elle provoque des choses à celui ou celle qui l'écoute, quoi. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse, quoi. Donc, tant mieux, hein, go. Bon, là j'aurais une question un peu plus technique, parce qu'on parlait des chansons de l'album, mais est-ce que pour vous, enfin pour le groupe là, Eiffel, est-ce que le tracklisting, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez aujourd'hui, quand vous êtes sur la fin de l'album, à l'heure où aujourd'hui peut-être qu'on ressort les albums en vinyle, où les jeunes peut-être écoutent morceau par morceau via des MP3, enfin, est-ce que le tracklisting, c'est quelque chose auquel Eiffel est soucieux? Toujours parce que ben, ça sert à rien d'essayer de faire ou de se changer là-dessus. Moi, j'estime que une chanson, c'est un trajet constitué de plusieurs mots, qui soient musicaux, soit textuels, mais c'est un trajet voilà, constitué de ces différents pas textuels ou musicaux. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu peux prolonger cette phrase. À une phrase plus longue qui s'appelle un album. Oui. Et du coup, dès lors que tu penses que c'est une phrase, l'album, ben, il faut la construire. Donc, tu la construis avec les mots imposés qui sont les chansons, donc les 13 chansons en l'occurrence. Mais tu essaies de construire une phrase qui, pour toi, donne un allant un peu similaire à ce que tu souhaitais. Et c'est vrai qu'avec les 13 chansons de Support Machine, comme pour n'importe quel album, hein, Oui. si tu le mets dans un autre sens, l'album n'est pas le même. Ouais, il n'est C'est pas vécu sûr. pareil, ouais. Et ouais, il n'est pas vécu pareil par les gens. Les chansons restent les mêmes, les mots restent les mêmes, mais bon, c'est pas pareil de dire je suis en train de parler à Fabien et de dire Fabien, train, je suis en train, je. Enfin, je sais plus, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est C'est clair. pas la même chose, quoi. Donc, bon, ben voilà, c'est tout bête. Et sachant qu'il y avait quelques chansons. Moi, j'ai vraiment fait Big Data pour que ça ouvre l'album, parce que je voulais commencer, ça commence que par Nico, le batteur. Et Terminus, parce que ça s'appelait Terminus, tout connement, parce que Terminus aussi, ça raconte ce que ça raconte, comme tu sais, mais qui est aussi au départ une manière de clore un album. Donc voilà, dernière station. Ça peut éventuellement, comme maintenant depuis 2009, on peut s'arrêter et faire pas se séparer, mais s'arrêter à n'importe quel album. Si on s'arrête pour cet album-là, c'est fini après, et ben la dernière chanson s'appellera Terminus, et c'est pas nul, c'est plutôt pas mal, je trouve ça bien. Et voilà, donc il y a plusieurs fonctions. En effet, et Support Machine, là, aujourd'hui, il sort 18 ans après votre premier album, Abricotine. Donc là, on va peut-être pas parler de l'âge de la majorité, mais quel regard tu portes en gros sur ton parcours après ces 18 ans de carrière, en gros, ces 6 ans de concert, ces 6 albums est-ce que le regard du chanteur, du compositeur, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il change? Alors, je rajoute, dans mon cas, enfin, pour Eiffel, c'est exactement les chiffres que tu as annoncés. Dans mon cas, en 18 ans, moi, en fait, j'en ai fait 10 albums Oui. avec les 4 solos et 10 tournées. Donc, c'est beaucoup, hein. Quand tu sais que la durée d'un album, c'est 1 an et demi, il faut l'écrire, ça prend 1 an, théoriquement, ça devrait être 25 ans, tu vois. Mais oui, le regard change parce que, au départ, tout au début, tu crois que parce que tu as signé une maison de disque, tout de suite, ça tout va marcher. Tu sais, tu es complètement puceau, tu crois au bonheur, etc. Bon, en 6 mois, tu as compris qu'en fait, tu t'es fait baiser. Et après, commence la vie à la dure un petit peu d'indépendance. Et ça te mûrit, ça te fait mûrir beaucoup plus vite et c'est vachement bien. Et ça on l'a vécu, donc ça nous a changé vachement. Là, je parle au nom de tout le groupe, quoi. Enfin, voilà. Moi, en termes de compo en tant qu'auteur-compositeur, comme tu me demandes, ça a changé un petit peu, pas ce que j'ai écrit, mais ma volonté de m'améliorer, tout bêtement. Tout bêtement. Et sauf que c'est subjectif. S'améliorer dans quoi, comment, qui, quoi, voilà. J'ai dû trouver seul la voie de mes améliorations. Et j'ai commencé par les textes, en fait. Parce que au départ, moi, j'écrivais des chansons, mais les textes, je m'en foutais totalement. Ce qui m'intéressait, c'était la musique. Et donc, je pense que 2001, avec Abricotine, et entre 2001 et 2002, avec Les Ahuris, j'ai bossé comme un âne les textes. Je pense qu'il y a une différence énorme de texte entre Abricotine et Le Quart d'heure. Pour moi, c'est énorme. C'est là où vraiment je deviens un petit peu auteur aussi. Et après, je vais essayer de pas de progresser, j'en sais rien, mais d'essayer de m'améliorer, de chercher d'autres horizons, en fait, de me chercher moi, parce que tu te cherches, tu sais, t'as des héros, alors d'influence, bien sûr, enfin, Jacques Brel, Jacques Isner, Brassens, tous ces mecs-là m'ont vachement inféré, m'ont vachement inspiré. Mais en même temps, tu sais que toi, t'es pas ça, tu cherches une douceur, une forme de poésie, de petite princerie. Et donc, ça m'a fait changer au cours du temps. Et on est arrivé à ces albums en 2010, à Tout le monde dans la rue, etc., qui sont devenus beaucoup plus. Tout en restant en rock, sont devenus. Tout en restant en rock, sont devenus un peu plus. C'est ça que j'ai cherché. Voilà, de plus en plus. Et pour arriver peut-être à maintenant, où il y a ce truc un peu horrible, hein, de Paul Machine qui. Mais voilà, c'est l'enfer maintenant pour les artistes. De vivre ces chansons, c'est complètement taré, quoi, de vivre ces chansons actuelles, sans faire de compromis et sans prendre pour modèle les petits connards du premier du top, là, qui sont de la préfab maison de disque, c'est très compliqué, quoi. Est-ce que c'est important de monter sur scène après, d'aller faire vivre l'album sur scène, d'aller rencontrer le public et Bien sûr, bien de faire sûr, exister les toujours que chansons ces chansons-là. Surtout dans notre cas, parce que tu parles de 18-20 ans, ça génère un public. Et le public, un public, attention, ne pas se méprendre, bien sûr, un public qui a notre âge, qui a commencé avec nous, mais c'est aussi la génération de 10 ans avant, 10 ans après, pardon, et donc, 35 ans, des gamins, de leurs gamins après, les gamins. Donc en fait, je veux dire, et ça, franchement, on est écouté par des gens de 13 ans comme des gens de 70 ans. Ce que je trouve fabuleux. Vraiment, alors, moi, je conchis l'idée de cible, de target, de marque, de conneries de technocrate, là. Ça me fait chier quand on me dit est une marque rock français. Mais non, on fait pas de rock. On fait pas de rock français. On fait du, si, quand il y a du rock dans Eiffel, c'est du rock en français. Et on fait de la pop, on fait que les gens ouvrent leurs oreilles, quoi. Bah, le public le sait bien. C'est les médias qui, de loin, ils risquent et tout. Et donc, c'est très important d'aller jouer ça sur scène aussi. Face aux gens, autrement, on n'existe pas, bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui pourrait s'arrêter. Là, je parle au sens très large. Et puis, de se dire que les disques ne vont plus, donc les tournées en. Des gens qui jouent pour 350 000 euros pour les charrues, que l'ami va bien. Non, pardon, même je crois que c'est un souci qui entraîne un cela. Et ça veut tout dire. Moi, qu'il y ait des gens qui soient payés 350 000 euros les charrues pour jouer une heure et demie, c'est très mauvais signe. Très mauvais signe pour la culture. Et ben oui, c'est complètement dingue de croire que c'est positif, quoi. Voilà. C'est comme on me dit que Airbus aurait construit encore 40 nouveaux avions, quoi. Non, c'est pas positif. Et donc voilà. Et en même temps, on a cette folie parce qu'on est lancé. On est un peu comme dans une course effrénée. Estelle et moi, on est lancé dans le truc. On s'arrêtera jamais, quoi. Voilà, ça va donner ça. Et il faut juste qu'on puisse continuer à becquer, quoi. Et vraiment, ça en est là. Et puis, quand je dis Estelle et moi, on parle de Nico, et puis tous nos potes musiciens, quoi. Enfin, voilà. Il y a des gens super. Il y a des super artistes. Alors, actuellement, il y a des super musiciens. Je trouve ça horrible que ce qui serait important pour aux femmes, de la merde. Voilà, de la merde. Donc vous avez quand même Eiffel, un public qui vous suit, on les appelle les ahuris, donc c'est quand même aussi rassurant d'avoir un public qui est là, puis qui grandit peut-être comme tu disais, au fil des années avec les enfants des premiers spectateurs qui étaient là. Et la tournée, ça, qui va vous emmener jusqu'en février 2020, s'annonce plutôt sous des bons auspices parce qu'il y a quand même des dates, notamment celle de la Cigale le 14 novembre qui est complète déjà. Alors, est-ce qu'il y aura une deuxième cigale de prévue pour Eiffel? On se pose des questions, ouais, parce que la cigale, elle est possiblement complète depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'on se demande si on peut pas. On va voir comment on agence le truc et comment on fait ça bien. Il faut faire ça bien parce que faut pas se gourer, mais il va sûrement se passer un truc. Voilà, bon, après Paris, c'est Paris, hein, c'est important, mais pas Oui. que. Mais on va. Partout, et le but c'est de jouer partout et d'essayer de faire venir les gens un maximum. Donc là, votre prochain Allô? concert. Ouais. Ah oui. Ouais. Et là, vous reprenez la route le 25 mai à Castres. Exactement. Exactement. Ouais. Et c'est voilà, c'est vraiment le début, on va dire. Après ça, on est un peu dans le flux continu, quoi. Après, ça s'enchaîne, ouais. Ouais. Bien, bah, je crois que on a passé un bon moment ensemble, Romain. Moi, je te remercie Ben ouais, pour ce carrément. moment. Super. Et puis, bah, on vous Ben merci suit. beaucoup, Fabien. On vous suit dans Only Rock, Eiffel. On continue de diffuser les titres d'Eiffel et de Romain Humeau, notamment sur ses albums Super. Ben Mousquetaires. merci beaucoup. Ben, merci à toi, Romain. Et puis, ben, bonjour à Merci, Estelle et Fabien. puis aux deux Nicolas. À fond. Et puis, ben, moi, je vous souhaite des moments intenses et forts sur scène avec votre public. À bientôt, Romain. Merci beaucoup, Fabien. À bientôt. À bientôt, Ciao. au revoir. Merci. Au revoir. Oui? Voilà Romain, c'est bon.